Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast des Rôlistes dans la cave. Un podcast, on va dire anniversaire, hein, parce que ça fait quand même plus d'un an même. Ça se trouve, on a passé l'anniversaire sans s'en rendre compte, mais voilà, ça fait un an qu'on enregistre des podcasts. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi aussi, moi. Oui. Oh. Donc, voilà, hein, vous avez entendu avec nous, il y a Rafi. Salut. Tom. Salut. La fine équipe de la sixième table, de ma sixième table de sens, mais avec aujourd'hui, donc, la dernière pièce de cette table. Mélo. Mélo, qui est avec nous. Donc, Mélo, bienvenue. Merci, bonjour, ça fait plaisir d'être là. Toi, tu joues un bug de Séléné, on y reviendra tout à l'heure. T'es arrivé en cours de route. Ouais. Et tu es aussi celle qui m'a permis d'utiliser des vieilles compositions à toi pour servir de générique à ce podcast. Voilà, donc c'est à cause de moi si vous avez mal aux oreilles en début de podcast. voilà, donc bon, vous l'avez peut-être remarqué, on a un peu de mal à garder le rythme de poster à chaque dimanche de fin de mois. Donc on est parti nous aussi sur une saison Unleashed, c'est-à-dire qu'on postera les podcasts quand ils seront prêts. C'est-à-dire que des fois il y en aura plus peut-être que un par mois, des fois peut-être qu'il n'y en aura pas dans le mois. On en postera quand on en aura. Ouais. On va faire le maximum. C'est ça. T'inquiète pas. Et on va aussi peut-être se diversifier, enfin peut-être diffuser une nouvelle émission qui pour le coup ne parlerait pas de jeu de rôle, mais serait peut-être un peu plus générale. Je garde la surprise pour le moment. Tu fais du teasing là, tu te fais de l'autopromo. C'est ça, c'est ça. Bientôt sur votre antenne. Ça sera probablement sulfurant. Bon, en tout cas, on est content d'être là pour reprendre cette nouvelle saison encore. Ouais, bah c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de sens ici finalement. Ouais, ça fait plusieurs mois quand même qu'on s'est. C'est pas comme si on en parlait beaucoup hors podcast, mais. En fait, on devrait toujours avoir nos micros, tu sais, sur nous pour enregistrer nos conversations parce que même avant les podcasts, il y a de quoi faire des podcasts. C'est vrai qu'on a eu une discussion sur Sens Néant à l'instant qui était assez. Mais on y reviendra. Voilà. Oui, parce que là, aujourd'hui, on est là pour parler de quoi déjà? On est là pour parler de la suite de votre campagne. Donc, on va arrêter un peu aussi de suivre chronologiquement ce que vous avez fait. On va être un peu plus thématique pour que ce soit un peu plus digeste pour les auditeurs. D'accord. Donc, et donc, on va parler de Sens Meurt et de Séléné, votre découverte des fragments de cette politique étrange. Grave. Mais... Je vois pas de quoi tu parles. Sens Meurt, quoi. Ouais, mais avant ça, on peut peut-être aborder, du coup, toi, Rafi, ta découverte du personnage du Kadria, ouais. De son gameplay aux Algiers. Ouais, bah, qui est quand même c'est vachement intéressant quand tu m'as filé le papier avec la façon d'utiliser mes ombres pouvoirs que j'avais qui fait crever le plafond, quoi. Oui, parce que en fait, pour le cadre, plus pour de le contrôle, ouais. Je t'ai donné clairement la liste des coups en ombre énergie. C'est alors ça. Que pour les autres joueurs, je vais donner à la louche. Ce qui m'a permis du coup de lancer des différentes stratégies lors des combats ou de savoir précisément ce que j'allais faire sans avoir peur que le MJ me retire beaucoup de points sans que je m'y attende, quoi. Franchement, excepté pour le changement d'apparence. Oui, le changement d'apparence qui me coûtait 40. Ouais, 40 points d'énergie en perma, je crois. Ouais. Pour l'avoir toute la journée, quoi. Ouais, effectivement, je te demandais beaucoup pour faire durer le pouvoir toute la journée. Ouais. Finalement, bon, c'était pas gênant parce qu'il me restait quand même beaucoup d'ombre énergie à côté, étant donné ouais. Que c'est calculé sur la vie et que du coup ma vie crevait le plafond à ce moment-là. Mais à la fin, il me semble que je te faisais plus dépenser autant. C'est juste que tu devais le maintenir, il me semble. Non, jusqu'au bout, ouais. C'est après coup que tu m'as dit j'aurais peut-être pas dû te faire payer aussi cher. Ouais. Une fois qu'on a eu fini. Ouais, mais bon, en tout cas, d'un point de vue de bug, je peux te dire que ça faisait baver. Hein. Le mec a crevé d'ombre pouvoir qui peut les envoyer quand il veut, comme il veut, bim, bim. Mmh, c'est joli. Mais au-delà du gameplay du Kadria, il a fallu que je recrée un personnage. Du ouais, coup, une nouvelle fiche perso, donc et une nouvelle psychologie de personnage. Ouais, parce que pour toi, ça impliquait de le jouer différemment. Bah oui, vraiment. Oui, parce que alors moi, j'ai considéré que Trevor était mort, mais que Héritage, qui est le nom du Kadria que j'ai fait, c'est pas vraiment un Kadria non plus, quoi. Étant donné qu'il a été bug avant et tout, donc j'ai considéré que c'était un métis. Mais Trevor étant mort, je lui ai fait abandonner tout ce qu'il rattachait à son ancienne vie. Donc il est plus militaire, il est en freelance plus ou moins pour la résistance. Mm-hmm. C'est le cas de beaucoup de cadrias, ça je crois. Et il a lâché femme et enfant. Et il s'est jeté corps et âme dans la lutte contre Miphos. D'accord. Pourquoi c'était important pour toi d'abandonner tout ça, en fait, ce passif de Trevor ? Pour vraiment plus... pour que mon personnage, il ait vraiment plus aucune attache. Et moi, je connaissais déjà le jeu. Je sais à quoi mort ressemble. Et je savais que moi, j'avais d'attache. Moi, le MJ s'en prendrait à moi. Donc, j'en ai profité pour virer plein de trucs que j'avais mis en place pendant Renaissance, que j'aurais gardé si j'avais pas subi la transformation, évidemment. Mais du coup, j'ai profité pour arriver dans mort plus ou moins sainement et avoir juste mon perso à gérer plus ou moins durant la campagne. Sainement, c'est-à-dire en créant des drames familiaux. C'est ça. Mais c'est que du coup, une grande partie de ces drames sont retombés sur le personnage de chaque, plus que sur moi. Ou sur ton perso. Ouais. Mais ce qui est marrant quand même, c'est que même si tu l'aimes pas beaucoup, tu vois, Solipsis, t'as eu une vision avec vis-à-vis de ta femme, y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir. Il vaut peut-être mieux pas dire à son ex-femme et au fils qu'on a abandonné qu'on est devenu quadrilla, qu'on sait pas trop. Ouais, mais dans la tête et héritage, il est pas très bas. Oui, mais c'est pas ça, c'est qu'en plus, t'as quand même ta femme à ce moment-là, c'est quand même une scientifique de renom au sein de la base, tu vois, qui aurait pu décider de mener des recherches et tout, et toi t'as fait non, voilà, je veux la laisser en paix. Celui-ci c'était déjà en train de faire des recherches et elle avançait pas, je vois pourquoi. Oui, non, mais c'était ça. Donc, mais c'était surtout une raison pour arriver dans mort sans trop d'attache et être assez tranquille au niveau du MJ, quoi. C'est vrai que ça a été assez bouleversant quand même, même pour les autres joueurs à la table. Cette chance, moi j'ai très mal pris son changement de psychologie. Mais c'est vrai que c'était se retrouver face à toi pour la jouer roleplay, tu vois, face à un gars que t'as toujours connu, avec qui t'as de l'empathie, que t'aimes bien, et que là que tu te retrouves face à un gars qui pense complètement différemment, qui abandonne femme et enfant et tout, moi je l'ai eu très très mauvaise. Mais dès le début, hein, ça a été héritage. Pas copain. Alors faut quand même pas oublier que c'était un plan mis en place avec Jay, quand même, de avant ma transformation, vu que je savais que ça allait m'arriver et tout, et que quand je t'ai fait signer le papier là, disant que s'il m'arrivait quelque chose, tu prendrais soin de ma famille, c'était en prévision de ça de toute façon. Ouais. T'es viceversa quand même. Bah toi avec, hein, parce que t'étais d'accord avec moi. Hein. Tu m'as autorisé à le faire. Mais bon, du coup, c'était moi j'ai bien aimé quand même l'arrivée d'un quadrilla dans l'équipe. C'était franchement sympa à jouer, quoi. Le quadrilla était un... Enfin, moi, comment je l'ai joué, après, je sais pas comment les autres joueurs le jouent. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai apprécié jouer, déjà pour le côté bourrin, parce que c'est vrai que même si sur mort, c'est pas forcément très utile, c'est quand même assez jouissif, faut bien le dire, quoi. Et de pouvoir changer toute la psychologie de ton personnage comme ça, et vraiment, du coup, avoir une base et en refaire ce que tu veux, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa, quoi. Bah, tu vois, moi, en te voyant jouer le quadrilla et tout, j'avoue que la psychologie et tout du quadrilla, la façon dont il voit les choses, c'est un truc que j'aimerais bien jouer sur une nouvelle table, tu vois, découvrir aussi de mon côté. Et toi, Mélo, comment tu l'as vu, le quadrilla, d'un point de vue extérieur ? Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu peur. Voilà, parce qu'ils m'ont décrit son apparence et c'était la première fois que je voyais ce genre de créature, donc ça fait peur. Et en tant que joueuse, voir Rafi déployer ses pouvoirs et tout avec sa grosse coupe de vie. Super kiffant. Ouais. Super kiffant. Bah, j'avoue, hein, il déboîte, hein, le quadrilla quand même. On se sent un peu comme une merde à côté, en fait. Hein. Vraiment, il fait un peu fumer, hein, quand même. Vous trouvez le quadrilla vraiment... Moment-là du jeu, ouais. Surtout quand tu fais un bug sélénite qui arrive et qui débarque, qui connaît rien au jeu, qui est là en mode « qu'est-ce qui m'arrive ?» C'est vrai qu'en plus, le jeu, il dosait bien le système de combat. Voilà, là, « bon, je vais tester ça. Ah, ça marche pas. Bon, ben tant pis. Hein. » Bah, comme eux au début, mais forcément, eux, avec l'avance qu'ils avaient. Puis c'est vrai que le quadrilla à côté, ça devait être... En plus, très tôt, là, Héritage, il récupère de Météor, tu sais, la nouvelle armure qui fait qu'il peut encaisser encore plus de blessures. Et toi, tes blessures, elles bougent pas en tant que bug. Et là, tu fais « ah ouais !» Mais en fait, je pense qu'avec le temps, on aurait encore plus, on aurait dû encore plus, je sais pas, se servir de lui comme un bouclier, quoi. Bah pas vraiment, parce que du coup, heureusement que j'ai la nouvelle armure, parce que vu comment j'ai joué le Kadria et comment ma vie elle a baissé pour que ma mort elle pexe. Parce qu'il y a eu un moment quand même où j'ai eu plus de morts que de vie, où ah, j'étais obligé d'enlever des points dans ma mort pour que je dépasse pas la limite des runes. Oui, t'avais dépassé la limite des. Au cumulé, c'était 100. Ouais. Je sais plus. Ça dépendait de son niveau de relation, enfin de lien. Mais du coup, j'ai perdu énormément de points de dégâts que je pouvais encaisser au fur et à mesure de la partie. Ouais. Donc ils l'auront compris, héritage, pas un Kadria très vie. Je suis pas un Kadria de vie, je suis pas un bug, je suis un métis entre les deux. Ouais. C'est vrai que t'étais très mort hein, quand même. Il fallait y aller. Hein. C'est vrai que... Et du coup c'est bizarre parce que tu vois, ça aurait pu coller, on était deux persos super morts et au final ça a clashé plus d'une fois quoi, entre nos persos. Ouais. Ce sont les opposés qui s'attirent sur le cadran. Ouais. Bon, alors Séléné, parce que. Ah, Séléné. Donc, on a une habitante de Séléné ici. Voilà. Alors, donc, décris-nous ton personnage au début, là, tel que tu l'avais pensé. Tu peux me passer ma chemise, s'il te plaît. T'as tous tes papiers. Ouais. Mais c'est vrai que le petit bug Séléné, Sélénite, ça a fait plaisir à la table. Moi, autant en tant que perso qu'en tant que joueur, c'était bien d'avoir une troisième personne avec nous. Ça nous permettait, parce qu'on se renfermait trop dans ce qu'on faisait tous les deux, et c'était bien d'avoir un nouveau regard sur ce qu'on faisait, une nouvelle réflexion aussi, parce que nous on avait déjà plein de trucs, en plus comme il a fallu lui expliquer ce qu'on savait déjà, ça nous a permis de retravailler dessus et tout, ça a été vraiment très intéressant d'accueillir un nouveau joueur à ce moment-là, quoi, un nouveau joueur avec personnage. Par contre on n'a pas été super tendre avec elle. Absolument pas. Parce qu'il a fallu, on savait qu'on était sur mort, c'était entraînement intensif avec la pauvre Mélo, ce qu'on a appris en un bouquin et demi, toi il va falloir que tu te le farmes en un demi-bouquin alors. Oui, parce que vous l'avez rencontré après avoir tâté du Kadria de Cosmo pour la première fois. Ouais. Donc vous aviez déjà une idée de ce qui vous attendait. Ouais, ouais, tandis que moi, mon perso, déjà j'avais. Ah, c'est bon, t'as trouvé ? Ouais, il est né sur la Lune, quoi. Voilà, il a toujours vécu sur la Lune, dans le système de la Lune. Donc la première fois qu'on lui propose de faire partie de la Résistance, il se dit mais pourquoi on a besoin d'une Résistance ? Enfin, c'est quoi ? Tu connaissais pas déjà le renard ou un truc? Si, par contre, j'avais fait en sorte d'avoir un lien plus ou moins avec la résistance. Dans mes liens, j'avais mis. Enfin, déjà dans mes faits, j'avais mis. J'ai un ami renard qui parle. Sans me douter à ce moment-là que ça serait. On en avait parlé et du coup, ça tombait nickel. Voilà, donc c'était cool. J'avais déjà un pote. Tu t'étais pas fait recruter aussi par Marissa? Oui. Si, c'est donc c'était sauveuse. Ouais, c'était sauveuse ton lien avec la résistance. Et du coup, moi, mon perso, je l'ai joué plein de convictions et super fermé au départ. Et puis voilà, en fait, pendant tout le jeu et après, plus tard, surtout dans Néant, ça a été gros cassage des barrières et tout ça. Tu travaillais à Aviateur avant de rencontrer la résistance. Ouais, voilà, ça je faisais partie de l'armée, j'étais ingénieur en aérospatial. Donc super carré et j'étais full vie. T'étais très vie au début, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. T'avais un peu de créa aussi, quand même. C'est un des persos qui a beaucoup évolué quand même. Mais j'étais ses runes maintenant. Assez équilibré quand même. Ouais, c'est vrai que c'était un perso assez équilibré. J'ai tendance à dire je pour parler de mon perso. Oui, non, mais. Nous aussi, t'inquiète. C'est juste que des fois je précise quand c'est important de faire le distinguo, mais... Mais oui, ce qui a été surtout très difficile, en fait, c'est d'arriver dans une équipe qui est déjà soudée, qui est là et tout, et où eux, ils ont déjà le niveau, et moi, je suis arrivée avec un tout petit niveau qui connaissait rien au jeu de rôle en général, et en plus à ce système de jeu-là, donc... Okay. En plus, le truc, c'est que Mélo, on la connaissait pas. Même hors partie, c'est quelqu'un qui est arrivé à la table et qui, tu vois, qu'on connaissait même pas dans la vie privée, et du coup encore moins sur une table, donc il a fallu faire à la fois connaissance avec le perso et connaissance c'est vrai, en aparté. Vous deux, toi, bah nous on se connaît depuis au moins 10 ans, alors donc, nous c'était facile, tu vois. Voilà, ouais. Donc c'est vrai qu'il y avait une synesthésie totale. Non, mais on a fait des efforts pour essayer d'intégrer. Parce que ça doit venir des. Alors personnellement, j'ai fait énormément d'efforts pour intégrer Mélo, très peu pour Léona. Je me souviens avoir été très très très dur. Léona, c'est le nom de ton personnage. Ouais. J'ai été vraiment très dur avec le perso de Léona. Elle en a pris plein la gueule pour pas. Moi, je me souviens de passages où on l'a cassé, mais assez violent. Moi, je m'en souviens pas. Vous pouvez me rappeler parce mais que. Il y a eu des moments où tu essayais de mettre un plan en place, ce qui était en soi une bonne idée. Mais le plan était foireux, quoi. Et Héritage était du genre à le dire clairement, franchement, et sans prendre de gants, quoi. En plus, les plans étaient pas forcément foireux, quoi. Non, mais il y a eu un passage où on a été méchant sans le vouloir. C'est un moment, tu sais, quand on arrive aux nominations de général et tout, et elle dit, moi, je pourrais le devenir. Et on vient juste de la rencontrer. Non, mais voilà, toi, personne te connaît. Et on l'a dit comme ça, quoi. Et là, la pauvre Mélo, non mais on n'a pas fait exprès mais c'est des vrai fois que il y avait de faire ça. Alors on était à fond dans nos persos et alors, on sortait ça comme ça quoi. Enfin voilà, il s'est avéré que les inconnus Toto étaient aussi À ce moment-là du coup à vous ça vous a permis quand même de vous relier entre Héritage et Shaq parce que vous aviez un bouc émissaire en commun qui était autre que vous deux, donc vous vous en preniez à Léona plutôt que vous. Sans dire un bouc émissaire, c'est vrai que t'as servi de trait d'union entre Héritage et chaque quoi, parce que du coup on n'arrivait plus à communiquer réellement pendant la moitié de mort, on communiquait plus. Enfin, je veux dire, j'ai fait des actes terroristes et tout. C'est vrai qu'en fait, sans le personnage de Léona, sans ton perso, Mélo, les deux ils se seraient jamais parlé. Ah. Au final, l'équipe elle était complètement dessoudée quoi. Ouais. Quand on arrivait sur mort, on n'avait pas les mêmes objectifs. Il fallait bien que l'équipe avance et l'équipe, c'était toi parce que eux deux sinon ils se parlaient plus. Presque. D'accord. Ah, mais. Lui, il a eu un bon relationnel cool, avec les Bugs Sélénites. Ça lui a bien été utile. Alors que c'est Rafi. Oui, Héritage a eu un bon relationnel avec les Bugs Sélénites parce que genre t'as croisé Julia aussi qui t'a fait du bien. Oui, qui m'a fait un grand coup psychologique. Alors que moi, j'étais plutôt retranché dans la résistance au sens. Et ces fragments alors. Ça va, ça n'a pas été trop dur à retenir. Toi, Mélo, j'ai dû te balancer tout le contexte de la guerre des immortels de A à Z. En une partie. Plus tout le contexte de Sans Mort en une traite. Voilà. Moi, j'ai pas tout compris d'un coup. Et en plus, dans la partie que t'as joué en suivant, ils sont arrivés et ils t'ont raconté tout Renaissance. Ah ouais, parce que pour nous, c'était. Il fallait forcément qu'ils connaissent Renaissance, quoi. Il fallait qu'à ça, je pouvais mettre les pieds, quoi. Bah ouais, ça semblait logique, mais du coup, c'était très très dur. J'ai eu peur qu'on te perde au début, parce que c'est vrai qu'on t'a noyé sous une tonne d'infos. Je me suis dit, la pauvre. Je me suis dit, en fait, personne ne peut rejoindre Sans en cours de route, c'est pas possible de bouffer tout ça d'un coup. Bah si, moi je l'ai fait. C'est faisable. Et oui, mesdames et messieurs. C'est faisable, mais ça serait difficile plus tard que mort. Ouais, pour le coup. Et encore, je pense que je suis arrivée à la limite, tu vois. Si j'étais arrivée en début de mort, encore ça aurait été mieux. Je suis arrivée vraiment les 4 dernières parties de mort en fait. Ouais, t'es arrivée au milieu de bouquin à peu près. Ouais, milieu à peu près. Sachant que on a fait mort en 8 ou 9 parties. Du coup, on avait déjà fait pas mal on avait fait la moitié des fragments. Mais moi, c'est le perso qui m'a beaucoup marqué, c'est Finn Longfinger, par contre. C'est normal. Quand tu croises un gars qui peut t'accepter. Je suis bien content qu'il soit enfermé dans une boule. Oui, parce que c'est vrai que c'est lui qui t'avait recruté. Qui m'a donné ma rose de. Ah, c'est lui qui t'a donné ta réplicoïde. Ouais. Bah oui, celui-ci, c'était plus là. Donc, c'est lui qui m'a formé au combat aussi. Au début, c'est lui qui m'a fait faire mes premiers exercices, mes premiers entraînements, tout ça. Donc, super cool, Fifi. Je me rappelle du moment où tu arrives dans son bureau, il regarde à gauche à droite, il fait « Je sais pas comment ça se passe d'habitude pour un recrutement, de toute façon, ça... vas-y, top là !» De toute façon, il était perdu. Sans celui-ci, il servait plus à rien une fois que celui-ci était parti. Ah, mais Fifi, moi je suis grand fan. Mais bon, à côté, Léona nous a quand même ramené son frangin qui nous a ramené l'armée dans le QG de la résistance. Ouais, bon, écoute, on fait tous des erreurs. Quand même, quoi. Heureusement que Shaq a eu une idée brillante, quoi. Dans tout le monde invisible. J'insiste, hein, mais ces fragments. Comment vous les avez vus en tant que joueur, ces fragments un peu métaphoriques, là, cette espèce de société un peu irréaliste et. C'est l'aîné en tant que tel. Ouais, c'est difficile à accepter parce que c'est vachement catégorisé. Déterminé. Non, mais je veux dire, tu habites sur un fragment, tu es telle personne, quoi. Ouais, c'est le lieu où tu vis te définit, quoi. Bah, c'est pas faux, hein. Franchement. Quand tu regardes, t'arrives à Aviateur, ils sont tous a moi, priori. Pour Léona, ça paraissait normal parce qu'elle a toujours grandi là-dedans. Mmh. Donc, Ouais, mais pour des bugs terriens, c'est pas. Moi, je sais pas, c'était bien rangé quoi, je sais pas. Il y a un truc comme ça aussi. Ah non, mais nous on arrive là-dedans, on est quand même. On se considérait sous le joug de l'Empire et tout. On a vaincu l'Empire, machin, et en fait, c'est né carrément plus sous l'emprise de l'Empire que la Terre ne l'était, quoi. Parce que alors, eux, pour le coup, ils sont modélisés, quoi. Oui, bah, de toute façon. On leur a donné de la propagande à bouffer, et puis, bah, démerdez-vous, quoi. Après, j'avoue que quand Jay m'a décrit l'univers de Sélénée, en tant que Léona, ben, je trouvais ça normal. Et en tant que Mélo, ben, j'étais outrée de voir aussi à quel point ça pouvait être inspiré par moments de notre société actuelle. Mmh, et que c'était juste grossi et c'était une énorme hyperbole, en fait. On montre du doigt des problèmes de notre société, clairement. Mmh. Mmh, c'est ça. Moi, je l'ai pas vécu comme ça, Sélénée. Moi, je suis arrivé sur Sélénée, j'étais en touriste. Moi, j'ai même pas demandé la description des fragments, j'écoutais rien. C'était en mode, ouais, mais on va sur Sélénée, moi, je vais découvrir. Et on se promenait avec Sauveuse dans chaque fragment, tu vois. On allait faire des petites promenades romantiques à je sais plus où. Vaniteux. À Vaniteux. Et moi, j'aimais bien me promener dans Sélénée, tu vois, me dire, bon, bah, je vais découvrir par moi-même comment c'est la société. Quand on nous explique ce qu'est Sélénée, on avait perdu Tom. Littéralement, il était limite là, comme ça, les yeux en l'air, en train de regarder les nuages, pendant que Jay nous expliquait Sélénée, quoi. Ah, mais... Moi, c'est... Non, mais ce qui est vachement important, pourtant, la description. Ouais, mais moi, je me suis dit, je verrais ça sur place, quoi. Je vais pas me faire une idée... Pourtant, il y avait énormément d'informations. Ouais, il y avait plusieurs Orion qui était en train de vous raconter tout le... Moi, je me souviens... Dont la bouffe humaine. Quoi. Moi, je me souviens de Raffi à côté, comme ça, qui était en train de péter les plombs parce que je posais aucune question, que j'écoutais limite pas, et du coup, qui était obligé de poser toutes les questions qu'il avait déjà posées sur sa partie d'avant. Trop vénère, et là, moi, ah ouais, d'accord. Ouais, moi, je pensais que t'allais poser des questions, ça fait partie du processus pour découvrir, quoi. Ouais, non, mais... Eh ben, même pas. C'était énorme. Non, mais... Je te décrivais par le hublot, la Sélénée, y a ça, etc. Ah ouais. Après... C'est vraiment très intéressant. Après, moi, j'ai eu des fascinations pour certains fragments plus que d'autres, quoi, mais... Alors, vos fragments préférés? Buveur. Moi, c'est Dreamsters. Géographe, l'université? Ouais. D'accord, vous avez des raisons, géographe? Parce que c'est là où je me souviens d'une partie où on avait des recherches à faire et moi j'avais eu l'idée d'aller là-bas pour faire des recherches dans les ordinateurs. Et c'est à ce moment-là précisément que je me suis rendu compte que à quel point on nous donnait pas... accès aux informations. C'était la fausse vérité. C'est à ce moment-là où je me suis dit, bah ouais, il y a peut-être besoin d'une résistance. Il y a peut-être besoin d'un truc. La vérité censurée. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, il y a un débat. Vous... Oui, voilà. Vous avez accès à tout, mais pas sur les 60 dernières années. Ça, c'est pour la vie privée. Ouais. Ah, pour la vie privée, oui, mais bon. Et puis après, c'est plus vieux que 300 ans, ça. Ah, après, voilà. C'est pour des raisons. Oui, non, mais c'était. Voilà. On vous donne bien ce on qu'on veut. Fait croire qu'on est. Et géographe aussi, parce que c'est le quadrillé de mort que j'ai exorcisé. Géographe. C'est celui qui demande à être exorcisé. Ouais. Oh non, moi, Dreamsters. Haut la main. Pour tout ce qui. En fait, on sait rien sur ce truc. Mais il y a eu tellement de trucs qui se sont passés à Dreamsters. Et vous, à Dreamsters, vous avez vu vos persos, non? Enfin, vous avez vu. C'est pas à ce moment-là où. À la fin de mort. À la fin de mort. Ouais, mais. J'y étais aussi, t'as. Tu y étais aussi, hein. Ouais, mais. Les joueurs. Moi, c'est ce côté. On enferme les gens dans les capsules, tu vois, ils font le rêve qu'ils veulent, ils peuvent. C'est ce côté très. Vanilla Sky. Matrix, tu vois tout ça, et là j'étais. Et là, tu vois tellement de mystères autour de ce truc, et moi je me dis, il y a tellement de possibilités, tellement de justifications qui font que ce truc existe dans la société de Sélénée. Moi, ça me fascine trop. Mais après, on n'y a pas forcément fait beaucoup de scénar et tout, et Mais par exemple, il y a Laura qui va aller se faire enfermer à Dreamstairs à un moment. Et donc, l'ex-femme de notre Cadria. On a Julio, l'un des Sudbugs Sélénites, qui se fait aussi enfermer à Dreamstairs et qu'on sort. Et du coup, on se rend compte que quand tu sors de Dreamstairs, tu pètes un petit peu un plomb, retour à la réalité et un peu. Et bon, nous, en repartie, on s'est posé des questions. Tu vois, par exemple, les prisonniers ou des choses comme ça, où est-ce qu'on les enferme? Et on s'est dit, soit buveur, soit moi je les mets à Dreamstairs, quoi. Franchement, ceux qui sont vraiment trop dangereux, si on peut les soigner, tout ça. On aura probablement un podcast. Ouais, on fera sûrement un truc là-dessus, mais pour ça, moi, Dreamster, c'est vraiment. Il y a tellement de mystères, c'était ça. C'était le mystère autour du truc qui me fascine. Et bon, je trouvais que c'était tellement symptomatique et représentatif de la société sélénée, tu vois. Ouais, la fuite en avant. Ouais, non, mais grave. Et moi c'est l'un des seuls fragments pour lesquels j'avais envie de trouver une solution, quoi. Je me penchais vraiment sur comment on pourrait tous les sortir de là, comment on fait. C'est ça, hein, pour la plupart des joueurs ils s'attachent à un fragment, hein, pour la plupart. C'est rare qu'on s'attache à 6 fragments, 2, 3 déjà, c'est le max. Et toi alors c'était Buveur, parce que c'est eux qu'il faut sauver. Pour des raisons évidentes, moi je suis d'accord, moi c'est Buveur aussi, mon préféré. Donc... c'est eux qu'il faut sauver, quoi, c'est là qu'on a tabassé les gens de MH, là, qui récupéraient les gens malades ou morts pour qu'on puisse les bouffer. On en a dégommé, on passait nos persos passaient leur nuit à dégommer des bonhommes. Alors ça, c'est moi qui l'ai rajouté, donc ça peut être important de le préciser. C'est une boîte qui s'appelait MH. Je ne sais même plus sur l'acronyme de quoi c'était. Et c'était des gens qui allaient à Buveur récupérer les vieux, les malades, vraiment ceux qui étaient complètement dans le bout de vie, quoi. Voilà. De vie, ouais. Pour ceux qui pouvaient être un poids pour la société, voilà. Du coup. Pour servir dans les. Quand on a bu vert, tout le monde s'en fout. Et que tous les autres fragments s'en balancent aussi. C'est ça. Sauf que, nous on est arrivé là-dedans, et quand on a compris que tabasser des MH à tirer la rigo c'était bien, mais que c'était pas suffisant, c'est là que j'ai ouvert le cabinet médical, où je faisais des soins gratuits et à coup d'ombre pouvoir pour soigner les gens. Que je traînais dans les rues le soir après les MH et qu'on soignait les gens qu'ils essayaient d'embarquer. Enfin, vraiment, pour moi, c'est le quartier qui, enfin le fragment qu'il fallait. Ce MH, ça a été un moyen d'avoir un bon compromis avec Héritage. Entre chaque et Héritage, il y a eu un bon compromis à un moment. Plutôt que faire péter les bâtiments comme tu le. Comme je le faisais au début. J'ai dit, mais viens, on va casser des gueules dans les rues à ces putains d'enfoirés qui traînent et qui ramassent des gens et au moins ça te soulagera. Et moi, ça m'assurera que tu fais pas de conneries. J'ai essayé de jouer la corde sensible, hein, de vous dire, mais le gars qui faisait ça, qui avait un boulot, qui avait peur que si vous l'empêchez de ramasser des gens, il allait lui perdre son travail et lui aussi finir à Buveur. Non, on lui disait, regarde ta gueule. Pourquoi est-ce que toi on te casse la gueule et pas à l'autre? L'autre de MH, il est tranquille. Lui, il ramasse des morts, toi tu ramasses des vivants. Et on lui expliquait comme ça. Franchement, on y allait, on fait non. On avait bien compris quand même que si on coupait totalement l'approvisionnement, ça créerait un problème. Ce qui nous a poussé à créer le plan plus tard, où on montrait par vidéo que la Terre pouvait recommencer à peupler. On aura un podcast à mon avis sur l'action sur ces lignes. Du coup, à ce moment-là, on a bien compris qu'on pouvait pas les. Enfin, c'était le seul approvisionnement de nourriture. Mais clairement, on n'allait pas laisser embarquer les vivants, quoi. Léona, pour ça, elle était au courant du fait que sur Sélénée, on bouffe de la viande humaine et elle était végétarienne. Elle avait réussi à se faire pousser de ses propres plantes et tout pour pouvoir bouffer. Je me souviens. Après, tu vois, moi, c'est pas des trucs qui m'ont le plus choqué, par exemple, de voir une société manger de la viande humaine, ça m'a pas. Le problème était qu'ils mangeaient de la viande humaine. Le problème, c'est qu'on leur fasse croire qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ouais, voilà. Ouais, mais moi, ça m'a pas scandalisé dans le sens où, à un moment, quand t'as plus le choix, tu manges des cadavres, Pourquoi tu veux leur reprocher de manger des cadavres sachant qu'ils n'ont pas le choix? Oui, non, mais on est d'accord. Mais c'est qu'on leur a pas laissé le choix, en fait. Ça, oui, mais moi j'étais scandalisé par exemple des quartiers comme Géographe, ou non pas Géographe, là où il y a tous les chercheurs, là. C'est Géographe, voilà, qui trouvent pas d'alternative. Tout ça, ça me scandalisait plus que des sociétés comme Gargoyle. Dans le genre scandaleux, il y a la Lune, quoi, en elle-même, avec les gens qui y travaillent. Ah, Réverbère. Ouais. Alors, dans le genre scandaleux. Ah oui. Dans le genre scandale, ouais, ça, ouais. Tu vois, c'est limite, faudrait limite plus les sauver eux que Buveur, quoi, parce que là, c'est de l'esclavage, c'est clairement, ouais, quoi. Ils sont réduits à l'état de bête, quoi, quasiment, quoi. C'est... Et tout le monde fait semblant de l'ignorer, quoi. Sur Sélénée. Nous, on le savait pas, donc on pouvait rien dire, quoi. Mais les Sélénites, soit ils le savent pas, soit ils font semblant de l'ignorer, quoi. C'est vrai que Réverbère, c'était assez hard quand même. Ouais. Assez hard, ouais. Ouais, c'était. Non, mais en plus, tout ce qui se passe sur Réverbère. Bon, après, toi, tu t'es tapé des bons trucs, par exemple, avec Classis qui fait allumer toutes les ampoules, qui commence à se faire un spectacle à Michael Jackson. Oui, là. Les ampoules et tout. Ouais, mais. Oui, c'était rigolo, ça. Mais ouais, t'arrives là-haut, ouais, t'as des ampoules, t'as des ampoules. Comment ça, j'ai des ampoules? Moi, je me souviens, on avait dû les payer. Attends, les gars, on les payait. Moi, j'avais de l'alcool pour faire des cocktails Molotov dans ma ceinture cargo. Et j'ai dû leur donner ça. Et les gars, ils me disaient, mais ça, c'est rien, c'est du petit alcool, quoi. D'accord, gars, ok. Et voilà, ils sont illettrés, ils sont. Il y avait. Ils sont presque réduits à l'état de bête. Ouais. Tout ce qu'ils savent faire, c'est changer les ampoules. C'est ça. On s'est même demandé si on n'envoyait pas aussi certains prisonniers sur Réverbère pour qu'ils soient utiles pour la communauté, tu vois. Dans une des parties originelles de Romaric, il racontait dans un podcast les joueurs apprenaient l'existence de tout ça parce qu'au début il y avait un genre, vous savez, comme ces histoires là, oh, il y a un tigre qui s'est échappé et tout. Et au final, bon, voilà, c'était un gros chat. Véridique, hein, c'était il y a pas si longtemps. Et bref, en fait, il y avait une histoire d'animal sauvage, on pensait à un lion et tout, et finalement, il tombait sur un gamin qui avait réussi à s'évader et qui était arrivé sur Sélénée, enfin... T'as des ampoules, t'as des ampoules. Et qui était non, en mode enfant sauvage, quoi, vraiment, quoi. Mais c'était pas mal, je pense, comme idée. Réverbère, c'est quand même le pire de tous, je crois. Moi, je sais pas si c'est le pire, mais en tout cas, ouais, c'est... Ça, bah si, parce que Dreamstar, c'est typiquement les gens, ils ont décidé d'y aller la plus... Normalement. Ouais, mais ouais. Ça, on en parlera. Mais après, moi, ce qui m'a fasciné aussi sur Sélénée, autre que les fragments, c'est Sélénée en elle-même, quoi. C'est une bulle de Varia, quand même, où on a trouvé des systèmes pour faire une gravité artificielle. Toi, j'avoue que j'ai pas assez insisté là-dessus, mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de propagande et un sentiment de fierté, d'être à la pointe. De la technologie, ouais. Non, mais ça, c'est, toi, c'est ça par exemple qui me scandalise. Les mecs, ils sont capables de faire une gravité artificielle pour faire vivre les gens, mais ils sont incapables de trouver des systèmes de bouffe alternatifs. Oui, mais moi je t'ai dit que ça, c'est parce que l'Empire leur a les endoctrinés, c'est tout. Parce que techniquement, c'était le bloc de Varial a été mis bien avant. Oui, bah oui, puisque de toute façon, Sélénée, ça existe depuis. Depuis un petit moment. Bah oui, parce que même quand c'est Bran Oberon, tout ça, il y a 500 ans, ça existait déjà. Tiens, on en profite pour rappeler que la Noble Chambre n'est pas sur Sélénée, mais sur Mars, contrairement à ce qu'on peut croire quand on lit le bouquin. Oui, parce que nous, on l'a cru pendant quasiment pendant tout le temps. Moi, pour nous, elle est du coup, moi, j'ai fini par faire qu'il y a deux Nobles Chambres, enfin, il y a celle de la Lune et celle de l'Empire. Bah, comme s'il y avait un Parlement, aux États-Unis, t'as le Parlement et j'imagine t'as des Parlements locaux. Ouais, c'est ça, mais en fait, normalement, enfin voilà, les nobles de Sélénée, ils vont voter à Fidridan. Ouais, normalement. Du coup, toi, t'as du jongle. C'est ça. Mais bon. Mais la Noble Chambre, ouais. Ah bah, roi, du coup. Mais roi, il m'a pas laissé... il m'a laissé dubitatif, celui-là. J'étais pas... Ouais, c'est pareil, au roi, on nous montre bien ce qu'on veut, parce que il y a le passage, je sais pas si tu te souviens, où on voit les domestiques qui passent par derrière, le train qui est réservé aux domestiques, et tout ce qui est caché derrière la façade de roi. Le métro spécial, serpent spécial pour les employés de roi, qui est le plus silencieux de tous ces... Vraiment, le but, il est de les cacher, quoi. Et t'avais fait un autre truc aussi, t'avais dit que tous les enfants des nobles de roi étaient pucés. Ah oui, j'avais dit ça, c'était cool comme idée. Ils étaient tous pucés, donc c'était le bordel, quoi. Tous les gamins, comme ça, on pouvait savoir absolument où ils se trouvaient. Dans quelles conditions, dans quel état de santé. Parce qu'il y avait une histoire de prise d'otage, c'est ça que je voulais dire. On y reviendra, ça, dans notre podcast. Mais oui, effectivement, tous les gamins de roi sont pucés, ouais, chez moi. Ils ont une petite puce géolocalisatrice, tout ça. Non, mais c'est... Et assez sécurisé, quand même, roi, parce que c'est les nobles. Oui. C'est en vrai le plus sécurisé de Sélénée. Mais bon, à côté de ça, les nobles, ils s'envoient des gamines et tout. Mais par contre, roi, tu vois, je pense que c'est je l'ai imaginé, tu vois, le seul endroit où tu pouvais trouver des jardins, tu vois. Des grands manoirs avec des jardins devant. Tu vois, j'imagine ça comme une... Bah, je sais pas, tu vois, comme si t'es allé sur Malibu, tu vois, Hollywood, ouais, ouais, pas Hollywood Boulevard, mais tu vois, les. Beverly Hills. Tout ça, voilà. J'imaginais ça comme ça, avec les grands manoirs, tu sais, avec la petite boîte aux lettres devant. Et... Ah, mais, ouais, peut-être le plus joli endroit à aller visiter sur. Tiens, ici, c'est le noble de machin qui est là. Non, mais c'était. Ouais, Roi, c'était cool. Après, bah, il y a les Story Royale en plus à Roi. La résistance. Oui, ton cuisine. Donc, toi, tu vis dans le plus bel endroit de Sélénée. Théoriquement. Je suis en train de me dire que ce serait pas mal qu'il y ait des gens des agences de voyage à vaniteux qui font faire des tours opérateurs au milieu de Roi, là. Comme la pub de Renault à un moment, là, où on voyait une nana dans un bus qui passait au milieu d'Hollywood et qui disait: regardez, c'est la maison d'Alec Baldwin, regardez cette Ferrari, regardez, ça c'est. Ouais, ça pourrait être fun. J'aimais bien Aviator aussi. Ah, Aviator, c'est là où on commence. Nous, c'est le premier fragment. C'est on arrive. Je dessine des bois. Ouais, ça c'est chelou. C'était flippant la première fois où t'entends quand t'entends la voix. C'est vrai que la première fois. Puis surtout. T'as tout qui s'arrête et tout. Tout s'était arrêté. Et il y a Céline. Le petit Céline. Ah, oui. Est-ce qu'on lui consacre un podcast entier ou est-ce qu'on en parle? Ouais, je pense ça pourrait. Ouais. Le petit garçon. Parce que c'est vrai qu'au début, vous rencontrez. On peut quand même parler de votre rencontre avec. Tu sais pourquoi on l'a rencontré, Céline? Tu te souviens pourquoi on l'a rencontré? Parce que comme tu faisais la tête, parce que j'avais pas écouté les descriptions des fragments, quand Wilfried se casse. Tu m'as laissé me démerder tout seul pour trouver Wilfried. C'est vrai. Et du coup, moi je suis parti comme un con en train de fouiller partout dans Sélénée, dans tout Sélénée. J'ai fouillé dans tout Sélénée, tous les recoins. Je trouve pas Wilfried et tout. Et là, à un moment, il y a un petit garçon qui apparaît qui me fait: eh, tu sais, moi quand je cherche quelqu'un, en général, je vais chercher dans sa chambre. Merci pour l'info. Et du coup, retour au vaisseau, au point de départ, et on va dans la chambre. C'était assez drôle. C'était franchement drôle. Ouais, non, mais sur le moment. Parce que toi, tu savais très bien où il fallait aller. C'était ta petite vengeance perso à ce moment-là pour. Bah, il voulait pas te spoiler l'aventure, bah, ouais. Il avait déjà fait. Mais là, on s'était. J'avoue, le petit Céline, il arrive, voilà, il fallait qu'il soit utile. Mais c'était que c'était moi, ouais, le petit Céline est gentil. Et c'est lui qui lui présente le renard. T'en as pensé quoi, toi, du petit Céline, la première fois que tu l'as vu? Je l'ai rencontré, moi. Oh, oui, si, t'as dû le voir avec nous quand on exercice des quadrilles à chaque fois. Voilà. Quasiment. Je sais pas trop ce que j'en ai pensé. Petit Céline. Il me faisait penser à un personnage, encore plus quand on m'a précisé qu'il était ami avec le renard. Oui, c'est vrai qu'ils se connaissent avec le renard. Voilà. Et après, pour revenir sur les fragments, moi, il y a aussi l'ombre Sélénée, quoi. Quand t'arrives assez vite, c'est vrai ça. Quand t'arrives, on t'explique assez vite, les gars, passez pas dans l'ombre monde. Parce que l'une des premières personnes qu'on rencontre sur Sélénée, c'est Météor. Il te dit: moi, je suis là depuis un bout de temps. En fait, moi, je suis pas mort avec tous les autres quadrillas de vie sur Terre. Et moi, j'ai déjà remarqué que l'ombre monde, ça pue, quoi. Il y a qu'Aviateur que je peux me reposer tranquillou. Il me semble qu'il dit ça. Ouais, moi je fais en sorte qu'Aviateur soit clean direct en fait. Parce que du coup ça peut être un indice. Mais du coup ça a été assez ça a très vite posé un problème pour notre quadrilla. Parce qu'il fallait aussi que lui aussi puisse se reposer. Bon, c'est vrai qu'il y a Aviateur pour le coup, puis en soi si j'avais envie je pouvais aller dans l'espace. Ouais. Mais bon, c'était bizarre, toi, que l'ombre monde soit complètement différent de Sélénée dès le début. Là, on s'est dit merde. Il y a un. Parce que par rapport à la Terre, c'était. Bah, la Terre, normalement, à peu de choses près, s'il y a des gens à un endroit sur Terre, dans l'ombre monde, tu peux croiser ces mêmes personnes. Bon, après, il y a un décalage vu qu'il y a les bugs maintenant, il y a des répercussions. Mais par exemple, il y a des gens dans l'ombre monde sur la Terre. Alors que sur Sélénée, il n'y avait rien, il n'y avait que des flammes. Ouais, c'était radicalement différent. De toute façon, l'ombre monde est vide. Enfin, je veux dire, à part les constructions, il n'y a rien dans l'ombre monde. Une fois que vous libérez les fragments, moi je laisse les constructions. Ouais, mais c'est tout vide. Je laisse la population. Mais oui, parce que du coup, tu vois, c'était ça. C'est que nous, on savait qu'on... Le problème, c'est que ça, nous, on savait qu'on a... on causait des répercussions sur l'ombre monde, dans la Terre. Mais là, il y avait une méga répercussion au niveau de Sélénée, quoi. Là, y a... nous, on n'y a jamais mis les pieds dans la Sélénée. Mmh. Après, il y a peut-être des personnes qu'on a croisées qui y ont mis les pieds, tu vois, qu'on changeait. Bah, il y avait les bugs sélénites, mais, du coup. Mais oui, mais on le sait pas. À ce moment-là, on le sait pas. Oui. Non, on sait pas. On sait pas du tout. Mais du coup, est-ce que ça vous a fait poser la question que peut-être il y avait des bugs sélénites? Non, franchement, nous, quand on est arrivé. Ils dans leur froc. Hein. Ouais. Première partie, tu rencontres un quadrilla de mort, puis après, tu rencontres un quadrilla de Cosmo. C'est bon, hein. Les bugs sélénites, ils sont à mille lieues de tes préoccupations. Hein. C'est ta dernière préoccupation de savoir s'il y a d'autres bugs sur Terre. Déjà, il y a Wilfried, quoi, pour le coup, qui, voilà, qui se barre avec Miphos, voilà, quoi. C'est ça, Wilfried. Qui finit cette espèce d'intro, parce que généralement, moi, j'essaye de faire jouer les deux premières épreuves en une. Parce que c'est vrai que normalement, ça se termine juste quand on arrive à Roi. Mmh. Mmh. À Roi, pas le quadrilla, hein, juste quand on arrive à rencontrer Lester et Uriel. D'accord. Et ensuite, Wilfried disparaît et on l'apprend au début du deuxième, de la deuxième épreuve. Et ensuite, on a Solipsis et Maria qui disparaissent aussi. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de sujets de préoccupation. Ça, c'est plus tard, ça. Quand on est sur Sélénée. Wilfried, quoi. Et Wilfried, quand il se barre, il y a cette fameuse déculottée avec les quadrillas de Cosmo. Ouais, sacrée déculottée. Alors. Oh, c'était trop bien! On peut dire que le quadrilla c'est un badass, on s'est fait rétamer. Mais non, on les a touchés, on a libéré Fifi, on a été au taquet, mais on s'est pris une branle. Alors j'avoue que d'un point de vue scénar, enfin gameplay, dans la première partie que j'avais fait, jamais, enfin limite on les touchait jamais, quoi, et on causait jamais de dégâts, vraiment ils étaient. Et là ils étaient plus à notre portée. Dans la deuxième partie là, dans celle-ci. On s'est senti. Moi je me suis senti. T'as vu comment vous maîtrisez le système de combat vous deux là? Ouais, vous êtes terrifiés. Non attends, je suis désolé. sur la première table, avec le fragile et le quadrilla, on avait des combos de malades. Moi je me souviens d'un moment où. Où on chope Mars avec un PT Ulysse, je lui avais ouvert la gueule pendant que le fragile bombardait des grenades dans la gueule pour que ça lui arrive dans l'estomac et tout. Et limite il a rôté de la fumée et on est reparti au combat, quoi. Tu vois, alors que là les quadrillas de Cosmo, que ce soit sur la première fois ou sur les autres fois où on les rencontre, on touchait. Je veux dire, le jour où tu m'as dit que j'avais fait une fissure sur Mars, ça c'était la deuxième fois, ça. Ça a été waouh. On parle de la première là. Mais la première, même la première, elle a été quand même beaucoup dure à encaisser. Mais moins que sur ma première. Et toi, Tom? Moi, je les ai kiffés, les cadrés de Cosmo d'entrée. J'ai vu, c'est des méga badass et tout. Les gars, ils enferment Filon de Finger comme un rien dans une bulle et tout. Mais ce qui était bien, c'est qu'on a découvert aussi qu'ils servaient de trucs. Tu vois, ça avait pas l'air d'être des ombres pouvoirs. Tu vois, tu nous expliques clairement. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Tu vois, c'est pas un truc que t'as l'habitude de voir. Et ouais, Filon de Finger qui fait pas vraiment le poids avec. Toi, t'es là, tu vois. Ils impressionnent. Hein. Moi, je me souviens juste que j'ai réussi à le toucher, à fissurer son armure un tout petit peu, et ça m'a suffi. Je me suis dit, s'ils sont touchables, ils sont cassables. Mais bon, ce qui dégoûte, c'est qu'on a Miphos à quoi, à 100 mètres de nous. Quoi. Ouais, il ouais, vient pour récupérer Wilfried et tu te dis. C'était le moment, quoi. Voilà. C'était là qu'il fallait lui porter le coup de grâce, quoi. C'est là, ouais. Mais on n'était pas assez fort. Enfin... Nous, non. À ce moment-là, on n'était pas assez fort. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, c'est une autre histoire. Bon, est-ce qu'il y a... Et toi, les quadrillas de Cosmo, mais l'autre, on a pensé quoi? Ouais, mais ça, c'est la deuxième fois que vous les avez affrontés. Ouais, donc, c'est pas la première fois. Encore, bon, on peut quand même te demander ton avis, Romain. Bah, moi, c'était mon premier combat, hein, aussi. Ah, c'est vrai sur Sélénée, il y a peu de combats, parce que les quadrillas de mort, c'est... On encaisse, on se défend plus qu'autre chose. Voilà. Et du coup, les... Toi, ton premier combat, c'était... Hélium, hydrogène, Mars, Beryllium. C'est ça. sur Réverbère. C'est ça. J'avoue. Et c'était quelque chose. Hein. Ah ouais. Je comprenais rien au système de combat. Je faisais des tests et j'ai adoré. Ils m'ont dit toi tu vas là-haut et tu bouges pas. C'est, Mais si tu t'étais orienté avec un sniper de base, oui, alors de base, on avait... En fait, on a dû improviser. C'était l'un de nos premiers combats à 3, alors face à des cosmos. Déjà t'improvises. Et là quand t'improvises en plus une stratégie d'équipe, on avait décidé hein, deux chacun d'un côté. Il y en avait un qui avait pris Léona sous son aile, l'autre qui était allé avec Phil Finger et non mais c'était bien, c'était productif en plus. Ouais hein, parce que du coup moi j'ai visé Mars à un moment donné et ça a suffisamment détourné son attention pour qu'il puisse être touché par elle. Mais on a pas mal fait ça au début dans les combats quand on a voulu intégrer Mello, essayer d'être là pour couvrir ses arrières quand même pour qu'elle puisse se battre de façon à ce qu'elle puisse prendre elle-même ses repères. Par exemple contre le quadrillon de mort, moi je me souviens à un moment voilà il va nous faire une attaque de vague ou un truc comme ça et moi j'ai utilisé un fait de cellulite pour la protéger voilà pour, histoire qu'elle soit peinarde, tu vois, qu'elle puisse découvrir le jeu à son rythme et que moi je me démerde même si ça doit me foutre un peu plus dans la merde. Ce qui est pas évident avec les quadrillons de mort parce que pour le coup le combat sert à rien quoi. Donc le problème il a été là, c'est que à part les combats qu'on a contre les quadrillas de Cosmos, c'est vrai que pour initier Mello comme Léona au système de combat, bah c'était pas très évident quoi. Faut faire des entrées. Il y avait les quadrillas de Cosmos, ouais, pour réussir à faire en sorte que les joueurs ne lisent pas direct l'extrait du Petit Prince. J'avais instauré un système qui il devait finir par être épuisé, par ne plus avoir d'ombre énergie avant de pouvoir être exorcisé. Mmh. Et donc Roi avait genre 50 ou 60 points à épuiser avant d'être exorcisé. Autant Aviateur, je crois qu'il avait 120 ou 130 points, donc il fallait vraiment encaisser et se défendre cette fois-ci, utiliser des ombres de pouvoir, de l'ombre énergie. Parce que pour le coup, la première fois qu'on avait joué, on avait juste à lire le passage, enfin on commençait le combat, on lisait le passage du Petit Prince, c'était fini. Quoi. Ouais, on avait dû s'arranger entre nous pour pas que ce soit trop ridicule. Ouais. J'ai bien aimé, moi, l'option d'attendre qu'il soit épuisé. La deuxième, surtout ça résonne avec Sens Néant, le fait d'être épuisé, tout ça. Mais du coup, ça rendait les combats plus interactifs. Ouais, en plus, du coup, tu t'éclates, quoi. Comme tu sais que tu dois juste esquiver et tout, tu te permets de te faire des figures, de balancer tes ombres pouvoirs pour dire « Ouais, il fait une vague de feu !» Et ben moi, je me fais un surf, et voilà, je sur sa vague, tranquille, hop, hop, hop. Quand tu sors d'un combat contre des cosmos, c'est pas évident. C'est pas la même. Et c'est pareil pour Roi, parce que quand on sort du combat contre Roi, on se tape les cosmos pour la première fois. Bah oui, parce que souvent... Quand tu veux échapper à quelqu'un, tu passes par l'ombre monde, sauf que comme t'as pas encore fait le fragment, et bah il faut se taper le quadrillon de mort, et... Après, quand on a sauvé Sauveuse, quoi. Ouais. Ouais. Claire. Ouais. Mais j'ai pas. La petite anecdote, le moment le plus magique que j'ai eu, c'était à ma première table. Un joueur qui y est plus maintenant à la table, mais il jouait un fragile. Et il se baladait, ils s'étaient tous séparés sur Sélénée. Ils faisaient chacun leur truc de leur côté. Et à un moment. Il suivait pas trop ce qui se passait, la soirée était un peu embrumée. Et à un moment, il me dit, bah écoute, voilà, tout le monde avait décrit ce qu'il faisait dans la journée, il me dit, bah moi je passe dans l'ombre monde. Oula. Je regarde tous, t'es sûr, tu sais ce que ça implique, on est sur scène. Mais oui, mais bien sûr, mais oui, mais je passe dans l'ombre monde. Et le con, il était un marchand. Marchand qui est un des seuls fragments auxquels on peut aller n'importe quand, enfin chez moi. Tous les autres doivent être faits dans un ordre spécifique, mais Marchand il est pas calé au milieu dans l'ordre, dans le bouquin. Donc pour un Marchand, c'est celui qui est de bonus, tu peux y aller quand tu veux. C'est la zone, voilà quoi, c'est la map bonus. Dans un jeu vidéo, on l'appellerait comme ça. Et du coup, il s'est retrouvé devant un quadrillon mort, quoi, tout seul. En fragile. Donc, avec ses deux billes par terre, sans son corps de flotte, avoir le quadrillon. Alors, Marchand, tu commences à faire son monologue. Il m'a dit, tu contactes les autres. Bah ouais, mais t'es dans l'ombre monde, ils vont pas pouvoir capter. Tu sais, on a fait à peu près la même tête avec Réverbère, hein, parce que quand on est sorti du combat contre les cosmos et que tu nous as dit pour vous échapper, faut passer par l'ombre monde, et que là on était à poil. On était à poil de chez à poil, et tu nous dis, bon bah là il y a Réverbère qui apparaît, quoi, quadrillon de mort. Ouais, heureusement il s'est fait Phil on Finger, c'était un duo. Un contre un, mais sinon, moi je pleurais, quoi. Il me restait une blessure à encaisser. Ouais, Mello, c'était pareil. Genre, on s'était reposé un tout petit peu avec Phil Finger après s'être pris une branlée, mais il fallait qu'on parte super vite et tout. Ah ouais, vous avez pas eu le temps de... C'était super chaud, quoi. Non, non. Les morts, par contre. Ah, les morts, quoi. Ouais, on fera peut-être un truc rien que sur eux. Ou enfin, on en parlera comme on a fait. Donc là, vous avez bien vu, hein, les Horizons dans la cave, c'est Unleashed maintenant. Je crois qu'encore pire que la cellule, parce que là, on devait parler de Séléné, on a parlé de plein de trucs. On n'a pas abordé une des choses primordiales qu'on découvre quand on arrive sur Séléné, c'est la résistance sélénite. En elle-même, ce qu'elle fait. Et bah, ça, on en parlera dans vos actions politiques sur Séléné ou vos actions que vous avez entreprises. Un podcast sur ce sujet-là qui sera probablement le prochain, je tease encore. Ouais. Après, il y a aussi comment nous on. Tu sais, nous on a été choqués par l'arrivée sur Séléné, mais il y a d'autres personnages, par exemple Sauveuse, quand tu l'as fait arriver sur Séléné, elle a quand même une mentalité complètement différente aussi de celle qu'elle a sur Terre, quoi. Bah, t'as beaucoup de... le syndrome du survivant, quoi. C'est pas évident. Ah, mais c'est dur. Mais ça, ce sera dans vos relations sur Séléné, hein. Je tease encore. il a plein d'idées de podcast pour la saison 1 de Niche. Bah oui, de toute façon, on va cesser de suivre de façon chronologique. Donc, on va faire un peu le par thématique, comme ça. On fera peut-être les relations en même temps que vos actions politiques. Vu comment on digresse comme des chafouins, c'est pas impossible. Bah, on arrive à, ouais, pas loin de 50 minutes, ça me semble pas mal. Des derniers trucs à rajouter, des... pas spécialement très content d'être arrivé sur Mort au début. Moi, c'est un de mes bouquins préférés, étrangement. Là, des trois qu'on a fait, c'est le passage que je préfère, Mort, moi. Moi, je reste sur Néant, quoi. J'ai pas encore découvert Cosmo. Non, à bas néant, boum, je tease, à bas néant. Non, mais... Ça spoil. Moi, j'aime bien Mort, même si voilà, j'en ai pris plein ma gueule dans Mort, mais je pense que je l'aurais encore plus aimé si je l'avais joué autrement. Plus, tu vois, comme toi, vouloir changer les choses et tout, parce que du coup, je me suis pas trop... Non, moi, je me suis beaucoup impliqué pour essayer de changer ça. Je pense que sur Mort, il y a moyen de faire des trucs vachement sympas. On parlera de ça la prochaine fois. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusque-là. À la prochaine, donc pas au mois prochain, ça se trouve, c'est même demain, hein, et n'hésitez pas à visiter le site régulièrement. Hein. Faut que je mette des pubs et que voilà. Peut-être demain, peut-être, et après-demain aussi. Ok. Mais maintenant, c'est n'importe quoi. C'est parti. Bah, salut, gros bisous. À la prochaine. Salut. À demain.